mort pétante, la clé de contact d'un Lehman. Je sors du parking, mon pied droit écrase la pédale. L'odeur du cuir de la bite à contraste avec celle que dégage mon fusil de chasse. Planqué sous le siège passager et raccourci pour l'occasion. Le nom des rues défile de part et d'autre. De par leurs actes, nos ennemis justifient les nôtres. J'arrive dans le pub, au bar, la serveuse qui a déjà pas mal servi. Les chicots pourris par la dope, les clopes et le whisky. Ma main droite à la doublure de mon trois quarts, côté gauche pour en extraire une arme. J'ai pas attendu comme distinct, t'inquiète frère, on est hal. Car depuis un bail, c'est qu'il y a son père. Voilà pourquoi je bouge seul. J'connais la street et garde mes repères, pas besoin de boussole. Me guide à l'instinct sans GPS ni de bonne étoile. L'odorat épuisé à force de sentir les excréments des baltringues qui ont bien compris que j'allais revenir comme l'automne. J'ai fait un rêve de fou, canon scié dans la caisse, dans la veste un 15 coups. Juste au cas où, irréel comme les polars made in Hollywood. Les gangsters en ont rien à foutre et démarrent dès le premier. J'ai fait un rêve de fou, canon scié dans la caisse, dans la veste un 15 coups. Juste au cas où, irréel comme les polars made in Hollywood. Les gangsters en ont rien à foutre et démarrent dès le premier. Depuis que j'ai mis les pieds dans ce foutu bar, y'a ce bâtard dans le coin près de l'entrée qui me lâche pas du regard. Je me demande, est-ce la peur ou l'énergie du désespoir? À peine le temps d'apercevoir le reflet d'une lame que mon doigt presse. Cette putain de détente, le temps se fige durant une microseconde qui paraît une éternité. J'exagère à peine, réaction en chaîne de tout par ça des fourrailles. Je dois finir le taf, sauver ma life, prendre la maille, m'échapper avant l'arrivée de la bleusaille. Donc pas le temps de traîner, en jambes le bétail éparpillé comme si une grenade avait pété hal. Dans la pièce du fond, mon dieu, mon but, vous vouliez me baiser, vous l'avez eu dans le cul, c'est pas croyable, j'entends déjà les sirènes qui gueulent en fond. Au moins que ce soit le réveil de mon fond, je reprends le contrôle, me rends compte, c'était juste un rêve. 6h du mat et je coupe cette alarme de merde. J'ai fait un rêve de fou, canon scié dans la caisse, dans la veste un 15 coups. Juste au cas où, irréel comme les polars made in Hollywood. Les gangsters en ont rien à foutre et démarrent dès le premier. J'ai fait un rêve de fou, canon scié dans la caisse, dans la veste un 15 coups. Juste au cas où, irréel comme les polars made in Hollywood. Les gangsters en ont rien à foutre et démarrent dès le premier.